Mais Idamor fonctionne au boulevard, et en s'adressant à mon ami Broulard, on le trouvera. Je ne sais pas, madame, vu que ces événements-là se sont passés il y a 6 mois. Idamor est un de ces gens qui doivent aller à la correctionnelle, de là à Melun, et puis dame. Au pré, dit Josepha. Ah, madame sait tout, dit en souriant la mère Bijou. Si ma fille n'avait pas connu cet être-là, elle serait... Mais elle a eu bien de la chance tout de même, vous me direz, car monsieur Grenouville en est devenu amoureux au point qu'il l'a épousée. Et comment ce mariage-là s'est-il fait? Par le désespoir d'Olympe, madame. Quand elle s'est vue abandonnée pour la jeune première, à qui elle a trempé une soupe, ah, l'a-t-elle giroflétée, et qu'elle a eu perdu le père Toul qu'il adorait, elle a voulu renoncer aux hommes. Pour l'heure, monsieur Grenouville, qui venait acheter beaucoup chez nous, 200 écharpes de Chine brodées par trimestre, l'a voulu consoler, mais, vrai ou non, elle n'a voulu entendre à rien qu'avec la mairie et l'église. « Je veux être honnête, disait-elle toujours, ou je me péris. » Et elle a tenu bon. Monsieur Grenouville a consenti à l'épouser, à la condition qu'elle renoncerait à nous. Et nous avons consenti. « Moyennant finance, » dit la perspicace Josepha. « Oui, madame, 10 000 francs, et une rente à mon père qui ne peut plus travailler.